Section 4 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 4. Une scène de collège, par Paul Hervieux. Chapitre 4. Quand l'heure de se divertir fut arrivée, à la fin de la matinée, où la grande nouvelle s'était répandue, aucun des jeux ordinaires ne fut entrepris, ni le cheval fondu, ni saute-mouton, ni football. La foule des élèves observait curieusement les champions. On s'entretenait d'eux, à voix basse, sans les interpeller. Ceux-ci ne parurent point prendre garde à ses façons. Ils persistèrent à errer négligemment parmi les groupes, engageant la conversation sur des sujets indifférents, comme si de rien n'était. Et le délai de repos s'acheva ainsi, dans un désappointement universel, sans le moindre incident. À midi, le lendemain, l'anxiété du public se traduisit par le même désœuvrement symptomatique. Et l'attitude respective des personnalités en cause ne se modifia pas davantage. Cette situation pouvait-elle durer? Non. Alors, le remède indiqué était d'avertir charitablement les intéressés. Bon, Osquil se chargea d'agir avec énergie à l'égard du représentant de l'île sœur. Et les trois frères Bléant furent délégués auprès de leurs concitoyens boulonnais pour lui déclarer ce qu'on attendait de lui. Dans le premier tête-à-tête, aussi bien que dans le second rassemblement, on débattit longtemps avec l'éloquence des mots et celle des gestes. La discussion ne se termina, de part et d'autre, que sur les réclamations prématurées et fébriles des spectateurs. Dès qu'ils revinrent en arrière, Bléant 2 et Bléant 3 furent très entourés. Pour Osquil et Bléant 1, retirés ensemble, intraitablement à l'écart, ils se communiquaient des appréciations cordiales, mais sérieuses, à en juger par leur mine. Sur ces entrefaites, Bonchon et Grutch avaient commencé à se promener, en sens inverse, suivant toute l'étendue de la cour. Contemplant avec fixité leur ligne de bitume parallèle, ils ne distribuaient aucun regard, ni entre eux, ni de quelque côté que ce fût. Bonchon allait, les mains plaquées sur les poches de ses choses, comme s'il eût craint de laisser fuir, par ses fentes, un des morceaux de charbon dont il semblait bâti. De temps en temps, Grutch s'occupait très gravement à parcourir une série d'espaces à pieds joints, par des bonds saccadés de kangourou, en remuant sa tête minuscule qui reniflait la brise. Ah, ça, dans un pareil moment, à quoi songeaient donc Bonchon et Grutch? Si du moins ils eussent échangé quelques invectives ou contracté leurs traits par une expression d'hostilité mutuelle, la galerie eût peut-être prouvé plus indulgemment sa patience. Mais nul signe précurseur de bonne disposition, ni chez Grutch, ni chez Bonchon. Sans le moins du monde réussir à les échauffer, les ardents rayons de 86 paires de prunelles convergeaient vers eux. À la longue, des attroupements, dont quelques énergumènes étaient le centre, se formèrent aux quatre coins de la cour. Les plus surexcités étaient Azor et Jean. Pour écouter tour à tour ces brillants péroreurs, les petits franchissaient la distance dans un galop diagonal. Le haïtien avait mis à nu son bras noir pour y indiquer la place où l'avait mordu jadis un chien de Port-au-Prince, grand comme un lion, et afin de mieux faire comprendre comment il avait terrassé ce fauve domestique, Jean se démenait dans une espèce de bamboula dont l'énergie stupéfiait son entourage. De son côté, le Polonais décrivait l'héroïque contenance qu'un de ses oncles avait su opposer aux violences d'un seigneur lituanien, et il faisait le simulacre de se décocher à lui-même, sans coup de poing, dans la face, sans y laisser tressaillir un muscle, ni même cligner. Tout à coup, le principal apparut sur le perron de son cabinet, et par des gestes sévères et démonstratifs, il rappela à la réalité Bonchon qui se précipita sur la corde de la cloche, en s'efforçant de racheter son inexactitude par sa vigueur. Cette fois, tout le personnel des élèves murmurait en réintégrant les salles de travail. Fin de la section 4, lue par Margot.